exigence latente, incommodante pour nos détracteurs qui persistent aux détentes. Partout en tout cœur de nous faire prendre la descendante. Ouais, je vais corps avec toutes les pensées pleines de sens. Et j'ai un goût prononcé pour les idées sensées. Amener mon peuple hanté, contrer où nous populaces opprimées seront enfin un récompense et danser. Moment d'attente, je fais ma part du taf avec ou sans staff. L'essentiel c'est de mettre des paves de chasser les innombrables imposteurs à tes rapants. Uniquement pour la tasse, la gloire d'autographe. Assez de haine gaspillée, mal orientée. Diriger des régions là qui te savourent al dente. Notre vengeance pour laquelle je prône mille et crédit digne d'une mes descendances. Pas mille et qu'est, qu'est, hein. Pas de brutalité, mais de violence. Différentes des atrocités en quantité. Je vois ton CV, je l'ai pas rêvé, parachevé parfaitement pour nous ôter toute liberté. Je combats colonialisme, l'indigeste, impérialisme. Et face au favoritisme, là, je fais des dégâts. Quand je fusille sur le mic, le capitalisme, ta génétique du modernisme dans sa polka. Par le rap et ses lyrics, j'ai plus de devoirs, de pouvoir qu'un syndicat, t'es dans la mouise. Vite, vite, appelle ton avocat du noir. Arabica, je vire rouge, magenta. Gosse, homme, femme, la révolution est le seul moyen de défense pour ceux qui rament. Alors je fuck la non-violence, je la mâche et je la crache. Je shoot comme un chewing-gum qui traîne sur le macadam. Moi ma violence, ouais, oh. Un, un, un, un. Moi ma violence, un accouchement c'est violent. Le monde que l'on circoncit, violent. Comme un soin par chimiothérapie, y'a de la violence. De par nature dans la vie, elle réveille. Nous sort de l'état léthargique, elle éveille. Future maman noire, mes fils et filles ne seront pas des lâches. Des êtres assujettis, des poires qui tendent. D'autres jouent à tendre et pendent. Une fois intégrés et finissent pendus par trop d'espoir. Démarre ton char, de savoir brique le rechargement. C'est là le seul anti-brouillard. Les civilisations basées sur le mépris doivent disparaître. Les traîtres qu'on paraît les mettre en voie les pêtres. Mais ma violence libératrice n'est pas celle qu'il y a, que je vois sous ma fenêtre. Moi ma violence libératrice n'est pas celle, hein, que je vois sous ma fenêtre. Moi ma violence, ouais, oh. Hein, hein, hein, hein. Moi ma violence,